Je n'ai pas eu à choisir. Je n'ai pas eu à choisir. Le point final de cette histoire tient dans ma main. Please.